La cérémonie d'ouverture du troisième tournoi national des matchs de football cadet a eu lieu le 25 au stade de Pyeongsong, province du Pyongan du Sud. Les matchs des équipes garçons et fillettes sélectionnées à Pyongyang et dans chaque province auront lieu en poule. Au terme de la cérémonie, il y a eu le match entre les garçons des provinces du Pyongan du Sud et du Hamgyong du Nord.